toutes et à tous, vous êtes exactement au bon endroit sur Radio Gémozo 107 FM. C'est Lia, je suis ravie de te retrouver, auditeur, pour une nouvelle immersion dans la bulle. Et avec moi, un invité qui n'en est pas vraiment un, j'ai envie de dire. Chris, ancien service civique de la radio, bénévole, qui vous propose chaque lundi sa chronique sur la littérature en ce moment en tout cas. Mais aujourd'hui, tu es là pour nous présenter ton deuxième ouvrage, 8 histoires sans fil rouge. Chris, bonjour. Bonjour Lia, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va. Vous, comment ça? Ça va et toi? Ça va très bien. Avec moi en off, notre stagiaire Gabriel, à qui je fais un petit clin d'œil, qui participera peut-être ou pas, on verra bien ce qu'il en dit. Alors, 8 histoires sans fil rouge a été édité il y a quelques mois, en auto-édition comme le premier, il me semble. C'est ça, oui, exactement. Pourquoi ce choix? En fait, c'est un peu comme pour mon premier ouvrage, Histoire de mon esprit. J'avais pas trouvé de maison. Enfin, si, j'avais trouvé des maisons d'édition, sauf que la plupart, c'était à compte d'auteur. C'est-à-dire que l'auteur, il doit participer financièrement. Oui. Et donc, dépenser des fois plusieurs milliers d'euros. Et donc, j'avais pas forcément les moyens de les payer. Donc, en auto-édition, c'est plus facile. Le seul truc qui dérange, c'est la publicité, se faire connaître, c'est un peu compliqué. C'est à toi de faire la com, quoi. C'est ça. Ok, ça tombe bien, t'es au bon endroit. On va t'aider. Alors, donc, c'est ton deuxième ouvrage. Le premier, c'était il y a quelques temps déjà. Tu étais venu faire une émission avec Lou, ici même, dans ce même studio. C'est ça. Comment il s'appelait cet ouvrage? Histoire de mon esprit. Histoire de mon esprit. Est-ce qu'il y a une continuité par rapport à ton premier livre ou pas du tout? C'est un autre style complètement différent? C'est le même style, c'est un recueil de nouvelles. Ouais. Sauf que les personnages qui étaient dans le premier ne sont plus du tout dans le deuxième. C'est des histoires différentes, des intrigues différentes. Mais la forme, ça reste la même, ça reste des nouvelles. Donc toi, t'aimes plus écrire des nouvelles, en fait. C'est plus ton style d'écriture, on va dire. À la base, c'était aussi parce que je trouvais ça plus facile. Mais maintenant, on en parlera sûrement plus tard, mais je suis en train d'écrire mon troisième ouvrage. Cette fois, c'est un roman, donc c'est une toute autre expérience, pardon. Et c'est quelque chose que j'avais envie de tester. C'est de là qu'est venue l'idée du troisième ouvrage, roman complet. Ok. Comment ça se passe quand on se lance dans l'écriture? Est-ce que toi, tu as fait des études? Tu as eu un parcours particulier pour apprendre à écrire ou c'est vraiment en autodidacte? C'est-à-dire que j'ai fait des études littéraires en lycée. À lycée, je peux le dire, je peux citer le nom. Bien entendu. André Marot à Remiremont. Et puis j'avais fait 2 ans en fac de lettres, mais là-bas on n'apprend pas forcément à écrire, donc c'était surtout autodidacte. Ok, combien de temps ça te prend d'écrire? Pour le deuxième ouvrage, j'ai mis 1 an. 1 an. Pour l'écrire, le relire, le réécrire, parce que je change des phrases, des formulations, j'en supprime quelques-unes. Et également pour la couverture faite par mes frères. Oui. Donc ça, tout ça en 1 an, contrairement au deuxième qui a mis... Au premier, pardon, qui a mis beaucoup plus longtemps. Ouais. 10 ans. Ah ouais, c'est pas vrai. Si, parce qu'en fait, à la base, j'ai commencé à écrire, j'avais 10 ans, du coup. Et à la base, c'était juste comme ça, pour le plaisir. J'écrivais mes histoires, je les imprimais. Et donc, ensuite, j'ai décidé de me lancer dans le monde de la publication. Et donc, c'est là que j'avais contacté plusieurs maisons d'édition et que ça n'avait pas porté fruit. Mmh. Mais voilà, c'était une expérience que j'avais envie de me donner, de me prouver à moi-même. Que moi aussi je pouvais écrire un livre. Donc là j'en ai écrit 2 et un troisième qui sera bientôt là, je ne sais pas quand encore. Eh bien oui, il faut se laisser le temps. Tu te donnes un but temporel ou pas du tout pour le troisième? À la base, le troisième, j'ai commencé à l'écrire quelques semaines après le deuxième. Je m'étais donné 1 an aussi pour l'écrire, sauf que c'est un peu plus compliqué et il y a plus de pages. Et également, je suis en pleine période de réflexion, en pleine panne d'inspiration. Donc ça page blanche. C'est ça. Donc ça mettra un petit peu plus longtemps, mais après, vu que je n'ai pas vraiment un lectorat très, très, très, très fourni, on verra bien quand il sortira, mais il sortira avant la fin de l'année, j'espère. Ok. J'imagine que c'est beaucoup de rigueur de se lancer dans l'écriture. Mm-hmm. Il faut être concentré. Oui, c'est ça. Pour le troisième que je suis en train d'écrire, j'écrivais tous les jours. Je me donnais, contrairement à beaucoup d'auteurs, moi je me donne des limites de pages, alors que beaucoup d'auteurs, c'est limite de mots, genre 15 000 mots par jour. Ah voilà. Ouais, moi, c'était 4-5 pages par jour. D'accord. Avant que je sois en panne d'inspiration. Et donc, c'était... J'écrivais plutôt tous les jours. J'essaye d'écrire encore, mais c'est pas évident. Mais voilà, ouais, tous les jours, 4-5 pages par jour. C'est comme ça que j'en suis arrivé à plus de 220 pages pour l'instant. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors justement, on parle un petit peu de ta façon d'écrire, de un petit peu ta panne là en ce moment. Qu'est-ce qui t'inspire pour écrire? En fait, pour les deux premiers, c'est ce que j'entends, ce que je vois, ce que je lis aussi, et mon imagination. Et je m'approprie un peu tout ça, et puis je fais je mélange tout, et puis ça donne ce que ça donne. Ok, c'est pas mal. J'imagine également que tu dois beaucoup lire. Ça m'arrive. En plus, je reprécise à nos auditeurs que tu proposais il y a quelque temps à la rencontre d'auteurs une fois par mois. Donc, tu recevais des auteurs avec qui tu discutais eh bien, de leurs livres à eux. Ça doit être vachement bien quand toi-même tu es écrivain de rencontrer d'autres personnes dans ce domaine. Est-ce que vous échangez des. En fait, c'était aussi pour ça que j'ai eu l'idée de l'émission à la rencontre d'auteurs, parce que j'avais envie d'échanger avec d'autres auteurs plus expérimentés que moi. Et puis actuellement, ça m'arrive encore de discuter, notamment avec Sophie Villers, que je salue, avec son ouvrage N'oublie pas de laisser la place à l'inconnu. Donc voilà, j'échange encore de temps en temps, et puis c'est sympa, ça permet de nous entraider, de nous donner des conseils, enfin c'est plutôt eux qui m'en donnent. Voilà, c'est sympa comme de garder une certaine relation avec tes invités ou autres. Est-ce que tu t'inspires parfois des choses que tu lis? Oui, ça m'arrive, mais pas trop sur les petits auteurs, entre guillemets, mais plutôt sur des gros auteurs. Comme j'aime bien dire, mon inspiration première, c'est Guillaume Musso. Ah oui. Donc j'essaie de m'inspirer de son style d'écriture, de ses histoires, tout en mettant mon grain de sel. Donc voilà, j'essaie de m'inspirer d'auteurs que je lis, d'auteurs que j'apprécie plutôt. Ouais, c'est chouette. Il faudrait que tu l'invites. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Ah mince, Ah il non, il faut est trop. insister, persévérance. Oui. Et si on se lançait dans un premier son, d'ailleurs, ben c'est toi qui nous as préparé la petite playlist d'aujourd'hui. Hein, le premier son que tu nous as choisi, c'est Emmanuel Moir, Beau Malheur. C'est ça. Pourquoi? En fait, c'est une chanson que je m'approprie aussi parce que, bon, j'évite d'en parler en public parce que ça me fait toujours plus ou moins mal, mais quand j'étais en collège et lycée, je me faisais harceler beaucoup. Ouais. Tu sais, les petits trouducs qui s'amusent à harceler des petites personnes toutes seules. Donc voilà. Et quand je vois où j'en suis aujourd'hui, avec mon évolution, que ce soit personnellement ou professionnellement, c'est quelque chose que la chanson me parle bien, parce que j'aime bien dire que finalement c'est un beau malheur, entre guillemets. Et puis j'ai limite envie de remercier ceux qui m'harcelaient, parce que c'est grâce à eux aussi que je me suis construit et que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Mais c'est pas fini, là, l'évolution continue d'évoluer. Stop au harcèlement scolaire, hein, on en parle souvent ici sur les ondes de Radio Guémozo et on continuera de le faire. C'est un combat sans fin pour voilà, faire enfin comprendre à tous ces jeunes qui, voilà, qui se comportent comme ça, que parfois il peut y avoir de lourdes conséquences. Et voilà, c'est bien aussi de lever le tabou, il faut en parler. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire sur le harcèlement scolaire? Pas vraiment, parce que ça me rappellerait des mauvais souvenirs et j'ai pas vraiment forcément envie de me remettre ça en tête. Mais pourquoi pas un jour, parce que la blessure elle est toujours là, bon, elle se referme, elle est refermée, mais elle peut s'ouvrir n'importe quand. Donc pour le moment, c'est pas dans les projets. Donc peut-être à l'avenir, on verra bien, mais pour l'instant, non. Parfois, ça aide à cicatriser quand on écrit sur un sujet qui nous blesse. Oui, bah c'est. Oui, Mais il mais faut se bon. sentir prêt, quoi. C'est Chaque ça. chose en son temps. Exactement. On écoute tout de suite Emmanuel Moir pour Beau Malheur et on se retrouve juste après. Dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais pas. Ni la craie, ni le sang, qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans. Qu'on peut dire trois fois, hélas, que personne ne l'entend. Comme personne ne remplace ceux qui partent pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps. Que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement. Qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant. Qu'après tout la voix se perd, mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur. Tu me dis que c'est un piège, un jeu pour les perdants. Que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc. Que plus rien ne te protège, ou alors pas longtemps. Que c'est comme un sortilège d'être seul à présent. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, pour être rassuré avant d'être consolé, pour ne plus rien cacher, bien avant d'être apaisé. Il m'a fallu la peur pour être rassuré, et j'ai connu la douleur avant d'être consolé. Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, et j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore par cœur, ce que je sais par cœur. Beau malheur. Beau malheur, Emmanuel Moir, chanson voilà, prescrite, j'ai envie de dire, par Chris aujourd'hui dans son émission consacrée eh bien, à son roman. 8 histoires sans fil rouge. Tu avais envie de redire quelque chose sur ce son? Oui. Bah justement, j'avais envie de dire que, bah, j'ai déjà dit, mais dans cette chanson, je me reconnais tellement parce que, comme Emmanuel Moir dit, quand on est en plein bad, ouais, on a le sentiment d'être incompris comme quand on se fait harceler. C'est pour ça que j'ai envie de dire, s'il y en a qui se font harceler, qui nous écoutent actuellement, j'ai envie de dire, ne faites pas la même erreur que moi. Je veux dire, si vous êtes harcelé, parlez-en aux gens, parce qu'ils pourraient vous aider et ils pourraient vous... Bah, prêter une oreille attentive et des conseils attentifs et objectifs, et non pas faire comme moi, rester dans sa bulle et, comme ça m'est déjà arrivé par exemple, penser plusieurs fois à en finir, quoi. Oui, tout à fait, c'est un très bon conseil, n'hésitez pas à en parler, enfin n'hésitez pas, parlez-en, surtout si vous êtes dans ce cas-là, que ce soit à vos parents, à l'équipe enseignante, etc., il y a toujours un interlocuteur qui pourra faire quelque chose. Ou à des psychologues, des psychiatres. Tout le monde qui pourrait vous écouter, c'est vraiment très important et ça pourrait vraiment vous permettre de vous reconstruire plus rapidement que moi, pour prendre mon exemple personnel, je me suis reconstruit. Donc vraiment, c'est très important, voilà. Voilà, ça c'est dit. Alors, on revient sur 8 histoires sans fil rouge, donc c'est ton nouvel ouvrage. Depuis quand il est publié? Il est sorti fin de l'année dernière. Ouais. C'était en septembre 2019, je crois. D'accord. Il me semble. Donc c'était un an... 2 ans après le premier. Ok. Donc, 8 histoires qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui décrivent un passage de vie des personnes dont tu parles. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Alors, dans ce deuxième ouvrage, par rapport au premier que j'avais commencé donc, à écrire à 10 ans, j'avais envie de casser un peu cette image enfantine que j'avais installée dans le premier ouvrage. Ouais. C'est pour ça que, quand vous lirez donc, 8 histoires sans fil rouge, il y a beaucoup de... Enfin, il y a plusieurs histoires qui se finissent pas super bien et qui sont plus noires, plus dark, parce que c'était vraiment une volonté de ma part de casser tout ça, de dire que finalement j'ai plus 10 ans, maintenant j'en ai Voilà. Hein. Plus de 10. Oh non, mais... En plus. Donc, Qu'est-ce que t'es vieux, Chris, c'est vrai. J'en ai 12 de plus, on va dire. Enfin, c'est même vrai. Et donc, du coup, c'était voilà, vraiment une volonté de ma part de casser tout ça, cette image enfantine, comme toi, tu l'as lu, par exemple. Ouais. Tu peux confirmer, je pense qu'il y a des histoires qui se finissent plutôt pas top. Voilà, c'est ça. Est-ce que, du coup, tu peux nous dire quelques mots sur chaque histoire sans nous spoiler? Alors, il y a une histoire dedans qui parle d'un couple... Ouais. Qui donc sont installés du côté de la à Dieppe et qui se font rejoindre par une nouvelle voisine. Ouais. Voilà, qui toute gentille en apparence, chanteuse, et qui finalement avec le temps ils se sont rendu compte que bon, elle était peut-être pas forcément si gentille que ça. Ouais. Qu'elle avait peut-être pas forcément que des bonnes intentions. Hein, j'en dis pas plus pour celle-là parce que sinon je vais tout raconter. Hein. Ouais. Sinon pour la toute première histoire, c'est peut-être mon histoire préférée du deuxième recueil, ça s'appelle « Les yeux de la mort ». Oui. C'est l'histoire d'un capitaine de police, voilà, qui résout des meurtres, hein, des meurtres qui sont du coup, bah, il est ordonné, je sais pas si ça se dit, mais par son commissaire pour aller les résoudre. Et puis finalement, à la fin, on se rendra compte que du coup, bah, peut-être que finalement, c'était pas si éloigné. Voilà. Mm-hmm, ok. Ensuite, dedans, il y a une histoire d'amour impossible. Ouais. Entre une jeune femme qui s'appelle Lola et donc qui est en couple avec quelqu'un. Et donc, elle le cache à ses parents parce qu'elle les connaît. Hein. Ils sont, comme je le dis dans l'ouvrage, ils sont un peu old school et psychorigides. Ils sont de la vieille école, ils n'acceptent pas le changement. Donc voilà, donc elle cache son histoire d'amour jusqu'à ce que, finalement, au détour d'une dispute, qu'elle révèle tout. Mm-hmm. Voilà, t'en as d'autres. Bon, je vais pas tout raconter parce que sinon c'est pas drôle. Ouais, on va laisser un peu de suspense. C'est ça. T'en as d'autres histoires, mais voilà, je suis fier de cet ouvrage. J'aime bien les histoires, sans prétention aucune. Hein. J'aime bien les histoires que j'ai écrites, j'aime bien comment j'ai tourné les histoires. Et on me l'a dit plusieurs fois, notamment, comme tout à l'heure, on parlait du harcèlement, Cosmos, qui lutte contre ça, qui a acheté mon ouvrage. Et donc, Cosmos, que l'on salue, qui m'a fait un retour sur mon ouvrage, et puis qu'il m'a dit que c'était bien écrit, que les fins étaient inattendues, et c'était vraiment ce que je voulais, que ce soit inattendu, que, pour pas que quand on commence à lire l'histoire, qu'on dise « ouais, la fin, ça va être ça », et que finalement, ça se révèle être ça. J'essaye un petit peu de faire tourner en bourrique les lecteurs. Ouais, mettre du suspense. C'est ça. Ça doit être dur quand même, d'instaurer le suspense. Ah, c'est vrai que c'est tout un travail. Après, je dis pas que j'ai réussi à installer le suspense la première fois, parce que comme je l'ai dit, je relis, je réécris, tout ça. Et c'est vraiment des mystères, un peu, comment ça va se finir, tout ça. C'est pareil pour le troisième ouvrage dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment ce que j'essaye d'instaurer. Du suspense, du mystère, et que les lecteurs soient à la fin, comme on dit vulgairement, sur le cul. voilà, c'est vraiment ce que je veux. Et quand on me dit que c'est réussi, bah, logiquement, bah, je ressens une certaine fierté. Ouais. Une fierté d'un boulot réussi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les retours. Malheureusement, tout le monde n'en fait pas. Voilà, c'est vraiment... Il faut, quand on achète des livres à des petits auteurs, il faut leur faire leur retour. Ça permet de s'améliorer, d'évoluer. Et c'est important pour nous qui sommes auteurs, pour savoir qu'on aurait peut-être dû tourner ça autrement, qu'on aurait peut-être dû faire ceci et non pas cela. Et c'est vraiment très important, le retour, comme dans tous les métiers, je pense. Critique constructive. Voilà, voilà. C'est ça. J'ai l'impression que dans toutes ces histoires, il y a des problèmes de société. À chaque fois, tu vois, tu mets le doigt, bon, peut-être pas sur l'histoire avec le policier, mais sur certaines histoires, il y a quand même beaucoup de problèmes de société actuelle que tu mets en avant. Mm-hmm. Voilà, c'est mon avis. Non, mais oui, c'est également un de mes objectifs. J'ai envie de relever certains points, de faire évoluer, même à ma petite échelle, à mon petit échelon, mon petit barreau, à faire évoluer les consciences et dire que, enfin, on est en 2020, donc il faut arrêter de vivre comme... dans les années 80, quoi, ou dans les années 60. Je veux dire, il faut évoluer avec son monde. Malheureusement, tout le monde n'accepte pas ça. Si tu avais un message à faire passer, ça serait celui-là. Voilà, sortez un petit peu de vos sentiers battus. C'est ça. Bah, personnellement, moi, j'aime les femmes. Bref. Ah bon ? Oh. C'est pas vrai. Si. Et donc, voilà. Donc, C'est pour ça que je dis ça, notamment un petit clin d'œil à une des histoires du livre. Je veux dire, il faut évoluer, je veux dire, il faut arrêter de rester bloqué dans ses croyances, dans ses acquis, dans ses connaissances, parce que c'est, bah, on n'est pas heureux, en fait, si on n'évolue pas. Et puis, l'humain est en perpétuelle évolution. Tout à fait. Et ça, je l'ai compris aussi, notamment grâce à toi, quand je suis en service civique. Tu m'as ouvert les yeux sur beaucoup de trucs, beaucoup de choses. Merci. À l'époque, si tu te souviens bien, il y a plus d'un an, je veux dire, j'ai été super timide. Là, j'avais du mal à parler au micro. Maintenant, je m'exprime, on va dire, facilement. Et puis, ça m'a permis d'évoluer grâce notamment à ce que tu m'as dit. On a beaucoup discuté. Donc voilà, c'est vraiment... Il faut suivre ce chemin, il faut évoluer. C'est presque la condition, pardon, sine qua non pour être heureux. Tout à fait, il faut évoluer. De toute façon, on est là pour ça. C'est ça. Et puis, je pense que toutes tes émissions aussi t'ont aidé. Hein. On a tous commencé en étant un petit peu mal à l'aise derrière le micro. Et au fur et à mesure de l'expérience, tout ça s'envole un petit peu. Et puis, il faut une certaine confiance pour mener à bien des émissions. Donc, forcément, ça sert. C'est aussi pour ça que j'ai intégré la radio, pour affronter... je fais déjà du théâtre depuis 4 ans. Donc, ça m'a un petit peu aidé. Mais la radio, ça m'a aussi énormément aidé pour affronter ma timidité, pour tout ça. Et puis maintenant, bon, je dis pas que je suis encore 100% à l'aise quand je vais voir des inconnus. Comme quand je te parle à toi, j'ai du mal. Non, mais je veux dire... non, mais voilà, vers les gens, c'est vraiment... Enfin, il faut y aller, quoi, tout simplement. C'est vrai, il faut prendre confiance en soi. Mais c'est pas toujours si facile. C'est un chemin parfois long, mais quand on veut, on peut. C'est ça. Voilà. Alors, on ne peut pas trop éviter cette question. Il y a peu, on était dans une période un petit peu compliquée. Ça s'appelle le confinement. Est-ce que toi, dans ton écriture, dans ton évolution, dans ta construction des choses, ça t'a aidé, ce temps d'introspection, en fait? C'est parce que le confinement, ça a parfois été difficile, mais ça a été aussi un moment où on s'est un petit peu recentré sur nous-mêmes. En tout cas, il y a plusieurs retours comme celui-ci qui me viennent aux oreilles. Et parfois, les artistes, ils ont été dans une période vraiment de construction de ce qu'ils faisaient. Et je me demandais comment, toi, ça s'était passé. Justement, en fait, le confinement, c'est à partir du confinement que j'ai décidé de m'imposer le rythme 4-5 pages par jour. Ah oui. Donc, c'est grâce à ça. Ça m'a permis donc d'augmenter mon ratio, d'augmenter le nombre de pages. Je suis à 223 pages. Donc, je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, je n'en serais pas à ce nombre de pages. Donc je pense que c'est le confinement qui m'a permis de m'imposer un rythme plus régulier et de savoir vraiment quoi faire et comment le faire. Et donc j'ai dit, c'est grâce au confinement que je me suis plus concentré là-dessus vu qu'on ne pouvait plus rien faire. Donc voilà, après ça ne change pas vraiment de ma vie initiale, mais je veux dire, c'est vraiment... Le confinement, il m'a plutôt été bénéfique pour ma part personnellement. Oui, ouais, c'est bien. On se lance tout de suite dans une deuxième bulle musicale. Qu'est-ce que tu nous as choisi pour la suite? La suite, c'est Victoria Justice avec Not Somebody Else. Ouais. C'est une chanson tirée d'un de mes films jeunesse préférés. Ah oui. Qui s'appelle The Boy Who Cried Werewolf. Tout à fait. J'aurais pas mieux dit. En français, Le Garçon qui criait au loup. Et vraiment, cette chanson, c'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup. Et puis Victoria Justice, donc la chanteuse, je la connais, bon, pas personnellement, mais je la connais depuis, ça fait 10 ans qu'elle jouait dans... Je l'ai connue dans une sitcom qui s'appelle Victorious. Ouais. Elle était l'héroïne, l'actrice principale, une des actrices principales. Et puis maintenant, même si elle n'est peut-être pas forcément très connue, je continue de la suivre sur ses réseaux sociaux. Et c'est là, j'avais vraiment envie de lui rendre un certain hommage avec cette chanson que j'aime beaucoup, tout simplement. C'est bien parce qu'en fait, tu nous as fait un fil rouge de ta vie avec la musique, en fait. Et pas... Tu vois, c'est sympa. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Breathtaking, frightening, these feelings inside me. Don't know where I'm going, but I'm hoping for perfectly imperfect. Yeah, it's all been worth it. The scares and the scars. Somebody else, not somebody else. No, giving up, terror and panic, but I won't be having them any day soon. I'm out of my own way, just breathing and dreaming in languages I never knew. Victoria Justice, not somebody else. T'as vu, je m'améliore. Hein. Ouais, bravo. Ah ouais, merci. On est toujours avec Chris pour parler de son ouvrage « 8 histoires sans fil rouge ». Et là, on va se pencher un petit peu sur la couverture, les illustrations. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était tes frères, Mes frères. Ok. Il y a le personnage qu'on voit sur la couverture, avec son grand chapeau. Ouais. C'est le plus grand de mes frères. Qui l'a dessiné, et ensuite avec les symboles qu'on voit autour du personnage, oui. c'est mon autre frère, celui qui vient juste avant moi, qui est graphiste, oui. web designer, qui a mis tout ça en place et qui a fait un petit peu le damier qu'on voit sur les couvertures. Ouais, c'est sympa en tout cas. Mm-hmm. Du coup, chaque dessin symbolise une histoire ? Justement, les symboles qu'on voit, par exemple, tu as une liasse de billets de 10, tu as une note écrite, t'as un cœur côté sombre, côté clair. C'est des symboles des histoires et c'est des indices que je donne au lecteur avant qu'il commence les histoires, pour qu'il se pose la question, mais à quoi ça correspond ? Ok. Et puis ça, j'ai fait exprès, parce qu'on l'a fait à trois la couverture, de ne pas les mettre dans le même ordre que les histoires, pour qu'il y ait un genre de petit jeu de piste en mode ce symbole correspond à cette histoire. Tout ça, c'est un petit côté que j'ai envie de mettre en place. Vous avez décidé de tout ça à trois, ou c'est toi qui donnais les idées et eux qui construisaient les illustrations ? On a fait tout ça à trois, c'était vraiment un travail d'équipe. Vraiment. C'est chouette de travailler avec sa famille, ça resserre les liens. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Tes proches, est-ce qu'ils ont lu le livre ? Oui, mais ma mère, elle l'a lu. Le plus grand de mes frères, il l'a lu. Mon père, il l'a lu. Ouais. Et puis il y a mon oncle qui l'a lu aussi, enfin un de mes oncles, une de mes tantes, qui ont dit que vraiment, qu'ils étaient vraiment mieux que le premier. Ouais. Et qu'on reconnaît vraiment le côté plus mature, plus adulte de l'auteur qui est moi. Oh, de l'auteur que tu deviens, c'est beau. Ça. Qu'est-ce que c'est beau. Est-ce qu'ils t'ont aidé, tes proches, à la relecture, à la construction de certaines choses justement, tu en parlais tout à l'heure des critiques constructives. Est-ce que, voilà, ils t'ont un petit peu aiguillé ? Ou tu t'es débrouillé ? Pas vraiment, en fait. Là, c'était vraiment une volonté de ma part de tout faire. Enfin, d'écrire, de me corriger, de me relire, pour que ça me corresponde vraiment. Donc, c'est Non, ils ont juste travaillé sur. Enfin, ils sont juste, c'est déjà pas mal. Ils sur la couverture, mes frères. Sinon, non, c'était un petit. J'aurais balancé comme ça. Et puis, donnez-moi vos avis. Voilà. Ok. Une fois que tout était construit, en fait. C'est ça. Okay. Tout construit, imprimé, tout ça. Dans ton processus d'écriture, est-ce que tu as déjà la fin de ton histoire? Oui. Oui, j'essaie toujours d'imaginer la fin. En fait, si tu veux, dans ma tête, je commence par la fin. D'accord. Et donc, j'essaye de construire l'histoire. Ce que je fais, je me fais des petites notes. J'ai un document Word, note histoire, que je me fais des petites notes pour donc, noter mes idées, pour que ça amène petit à petit à la fin de l'histoire que j'ai en tête. Ok. Comme dans le troisième, je sais déjà comment ça va se finir, par exemple. Waouh. Et après, tu agrémentes... C'est ça, je construis autour, en fait, le squelette, c'est la fin. Et puis, je construis des petits bouts de peau, des petits bouts de chair ici et là, pour que ça fasse... C'est le début aussi qui est difficile, hein, l'entrée en matière. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Le plus facile, et encore, c'est au milieu. Ouais. Mais oui, le début, c'est vrai que c'est pas forcément évident, savoir comment la construire pour, justement, que ça fasse pas trop bizarre un début... Il faut essayer de présenter les personnages sans pour autant dire, alors voilà, sans pour autant qu'il y ait un narrateur, comme on voit dans beaucoup de livres, pas dire, alors lui, c'est machin, truc, c'est bidule. Voilà, c'est pas évident, mais bon, c'est en faisant qu'on apprend. T'es présent parfois sur certains salons du livre. Bon, là, c'est vrai que ça a été un petit peu mis entre parenthèses avec le confinement. Voilà, ouais, j'ai fait plusieurs salons du livre. Je suis allé jusqu'à... à côté de Nancy, par exemple. Ouais. J'en ai fait un à Je sais. Oui. Avec. Patrick Bourgeois. Voilà. Que d'ailleurs, qu'on a déjà reçu dans. Bien sûr, que l'on salue. Voilà. Qu'on a reçu dans une émission. Voilà, donc je devais être dans Je sais lire de cette année. Oui. Sauf que du coup, avec le confinement, tout ce qui s'est passé, bah, ça a été annulé. Mais ouais, j'ai déjà été dans plusieurs salons du livre. Ça se vend, ça se vend pas. C'est pour me faire de la visibilité, du moins. Ma question, la suivante, est-ce que du coup, dans ces salons ou même auprès de certains auteurs que tu as reçus ici, tu as présenté ton livre? Surtout ouais, aux visiteurs, parce que les visiteurs, ouais, ils ont le droit, ils prennent le livre, ils le feuillettent, puis ils posent des questions dessus, donc je leur explique sans les spoiler, sans leur gâcher la surprise, ce qui se passe dedans. Donc oui, je les présente un peu de manière détournée pour... voilà, j'ai d'ailleurs... Normalement, j'aurais dû aller à la médiathèque de Vanier pour présenter mon livre face à des gens. Wow. Sauf que ça a été annulé avec ce qui s'est passé dernièrement. Donc, je les ai relancés. J'attends la réponse. Mais ça peut me faire... Justement, le but, c'est de me faire de la visibilité. Tout à fait. Mais ce que je voulais te demander, c'est est-ce qu'il y a certains auteurs ou certains éditeurs que tu as rencontrés ici ou sur les salons qui ont, eux, lu ton livre, qui t'ont fait un retour? Ah non, ça, par contre, ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant. Ok. Ça marche. Notre stagiaire Gabriel a préparé quelques questions. Du coup, je laisse la place au micro. Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, Chris, j'avais deux, trois petites questions pour toi. Mm-hmm. Alors pour commencer, pourrais-tu nous expliquer le titre du deuxième ouvrage que tu as écrit, 8 histoires sans fil rouge? Alors, c'est justement ça, on va revenir à la couverture en même temps. Alors, 8 histoires, c'est parce que tout simplement, dans le recueil, il y a 8 histoires. Et sans fil rouge, parce que justement, sur la couverture, on voit le personnage principal avec une paire de ciseaux dans une main et des ficelles de marionnettes dans l'autre, devant un fil rouge. Donc, en fait, l'idée que j'avais eue, et que j'en ai discuté avec mes frères, c'était que, en fait, le personnage, qui est d'ailleurs un petit peu. Qui n'a pas l'air très gentil, c'était que ce soit lui qui dirige tout, en fait. C'est lui qui donne les fins des histoires, ce qui arrive au personnage, c'est une certaine une personnalisation de moi, mais en mode lui. Et donc, en fait, si, avec son ciseau, il s'apprête à couper le fil rouge. C'est pour ça 8 histoires sans fil rouge. Et ça indique également que les histoires n'ont aucun lien entre elles. D'accord. Oui, donc c'est lui qui manipule, qui gère tout le déroulé de l'œuvre en question. C'est ça, c'est pour ça qu'il a les fils de marionnettes. On imagine que si on compte bien, il y a 8 fils. C'est donc 8 fils pour les 8 histoires. Et au bout des fils, bah c'est comme si c'était les personnages, en fait. Et c'est lui qui dirige tout. Comme si les personnages n'avaient pas vraiment d'incidence sur leur propre histoire. D'accord. Alors, pour la deuxième question, Pourquoi avoir regroupé 8 histoires et pas plus ou moins? C'est une bonne question. Tout simplement parce que j'avais mis des notes et puis je pensais que 8 histoires, c'était bien. Un chiffre qui te correspond Ouais, bah, pas plus que ça non plus, mais c'était, voilà, je trouvais que c'était... En fait, c'était ce dont je voulais parler. Et donc, voilà, c'était... Non, ça aurait pu être 7, ça aurait pu être 9, ça aurait pu être 2, enfin, voilà. Oui, il n'y a pas forcément de symbolique ou d'importance derrière nombre d'histoires. Pas forcément, parce que dans le premier, par exemple, Histoire de mon esprit, il y a 7 histoires, là, il y en a 8. En fait, le chiffre, je ne m'attarde pas trop sur le nombre d'histoires, c'est juste ce que j'ai envie de raconter, tant qu'il y a des idées qui me viennent en tête, bah, j'écris, puis voilà. D'accord. Et dernière question que j'ai pu noter... Mm-hmm. Un petit peu plus précise, pourquoi associer la noirceur de tes œuvres à l'âge adulte? Bah parce que, en fait, j'avais, comme je disais tout à l'heure, c'est une volonté de casser toute cette image que, quand on avait lu le premier ouvrage, beaucoup m'ont dit, ouais, c'est un peu enfantin, c'est pour des grands, des adultes qui lisent, c'est peut-être pas forcément très pratique. Donc voilà, c'était l'âge adulte, c'était un peu comme une symbolique, en fait. Noirceur des histoires, âge adulte, en mode j'ai mûri, j'ai voulu vraiment, c'était oui, une volonté de casser tout ça. D'accord. Oui, un peu comme par exemple quand on est enfant, on voit la vie en rose comme on dit, et quand on grandit, on se rend compte de tous les problèmes qui surgissent dans la vie. C'est un peu cette symbolique que tu as voulu retranscrire. C'est ça, exactement. D'accord. Oui. Et bien voilà, c'était tout pour mes questions. Et ben merci Gabriel. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre. On se lance tout de suite dans notre troisième bulle de son. Merci beaucoup, Gabriel. Très bonne question, d'ailleurs. Mm-hmm. Hein, on notera. On se lance dans Skillet. C'est ça que tu nous as préparé pour la suite? C'est ça, Skillet, parce que c'est un de mes groupes préférés. Oui. Et j'ai choisi Awake and Alive parce qu'ils ont traduit la chanson. Bah, c'est un petit peu ce que tout le monde devrait faire. Awake and Alive dans la chanson, ça parle de la volonté, ce que les gens ont envie de faire, mm-hmm. et donc sans se préoccuper de ce que les autres peuvent penser. Donc Awake and Alive qui veut dire réveiller et en vie, donc en mode c'est moi qui prends mon destin en main, et puis c'est tout, personne n'a le droit de dire ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, je fais ce que je veux, voilà, c'est ça, c'était pour ça que j'ai mis cette chanson, oui. Pour... voilà, pour dire, envoyer un message en mode « faites ce que vous voulez, si vous voulez faire ça, faites ça ». Super. Voilà, c'est vous qui voyez. Très, très bon choix. On écoute Skillet tout de suite et on se retrouve juste après. This is my life. est toujours ensemble dans la bulle aujourd'hui avec notre invité qui est Chris et qui nous présente son ouvrage 8 histoires sans fil rouge. C'est ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Ah bah merci à toi, merci à Radio Guémozo d'avoir accepté que je vienne. Et qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté de la force? Ben, j'ai pas l'habitude, parce que d'habitude, juste derrière la vitre où toi tu es. C'est déstabilisant, hein. Un petit peu, ouais, parce que d'habitude, c'est moi qui interview, qui interviewais les auteurs, tout ça. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne la chronique, enfin l'émission. Et ouais, ça serait bien ça. Donc voilà, ça fait bizarre, mais c'est bien, c'est intéressant aussi d'expérimenter l'autre côté, côté obscur. Ouais, c'est vrai, moi aussi j'aime bien. On va se lancer tout de suite dans le moment intime de l'émission. Mmh. Voilà, c'est le moment des confidences. Mais n'aie pas peur, hein, surtout. Avec la petite musique qui va bien. Je t'ai préparé une petite liste de questions, histoire de te cerner un petit peu mieux. En tout cas, moi, je te connais déjà un peu, mais certains de nos auditeurs, pas encore. Donc, je t'ai préparé une petite liste de questions. Voici la première. D'accord. Quelle est la première chose que tu fais le matin au réveil? J'ouvre les yeux. Waouh. Je prends mon petit déjeuner. Ok. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, qui serais-tu? Guillaume Musso. Ah ouais? Je dirais, ouais. Ou alors un animateur radio, je sais pas, dans une autre radio. Non mais ouais, Guillaume Musso, ça me paraît bien. Ok. Si tes amis écrivaient ta biographie, quel en serait le titre? Ça aussi, c'est une bonne question. Les mésaventures de Chris, mais avec le mais entre parenthèses. Ah, c'est bien ça. Bon jeu de mots. Bah justement, en parlant de jeu de mots, si tu en étais un, ce serait lequel? Un jeu de mots? Et c'est une bonne question. Alors là, je sais pas. Honnêtement, là, tu me poses une colle. Ouais. Ouais, un jeu de mots. Alors là, non, je vois pas. Trop pointu. C'est ça. Dis-moi qui ils sont, je te dirai qui tu es. Quels objets se trouvent sur ta table de nuit? Ma lampe de chevet, mon réveil. Et j'ai également, parce que j'ai une grande tête de lit et table de nuit. C'est tout d'un. Donc il y a des DVD, des albums de musique, mais oui, juste à ma gauche, c'est mon réveil et ma lampe de chevet. Ok. Si tu étais un livre, lequel serais-tu? Mm-hmm. Bah, je vais faire un petit clin d'œil à Sophie Villers. Je pense que ça serait n'oublie pas de laisser la place à l'inconnu. Pourquoi? Bah, parce que je pense que dans la vie, on nous dit souvent, parle pas aux inconnus, c'est pas bien. Bah justement, il faut les laisser entrer. Ouais, bonne réponse. Comment te vois-tu dans 10 ans? Grand animateur radio, j'espère. Grand écrivain, j'espère aussi. Et faire tout simplement faire ce que j'aime, quoi. La radio, l'écriture. Vivre de tes passions, en fait. C'est ça. Ouais. Quelle est la chanson que tu adores, mais dont tu as vraiment honte? Ah, d'accord. J'adore poser cette question. Que je l'adore, mais que j'ai honte. La chanson que t'écoutes seule, tu vois, enfermée dans la salle de bain. Bah, je dirais que c'est une chanson d'un youtubeur qui s'appelle Joyka. C'est milliardaire. Milliardaire? Ouais, c'est une chanson en fait où qui fait de l'humour, de l'ironie. Ouais. Et puis bon, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les chansons de youtubeurs c'est pas vraiment. Voilà. Mais je sais pas, j'aime bien celle-là, elle me fait bouger et puis elle me fait rire. Ouais, chouette. Si tu pouvais avoir un seul super pouvoir, lequel choisirais-tu? L'invisibilité. Ah ouais? Pourquoi? Bah parce que comme ça je pourrais faire des choses, bah, tout en restant dans le légal, que j'oserais pas forcément faire en étant visible. Donc voilà, ça me permettrait d'aller dans des endroits peut-être réputés malfamés ou dans les petites ruelles ou voilà, que je suis un peu un froussard sur les bords. Donc voilà, ça serait l'invisibilité. Je me demande toujours ce que ça fait d'être invisible. Donc ouais. Voilà, j'aimerais bien être invisible ou voler, malgré que je sois acrophobe. D'accord. Voilà. Ok. Enfin, dernière question. Si tu animais une toute nouvelle émission, quel en serait le sujet ? Donc, j'ai pas le droit de dire des choses que je fais déjà, non ? Eh ben non. Une toute nouvelle émission, quel en serait le sujet ? Je dirais... Je sais pas, peut-être sur la musique. J'aime bien la musique. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une autre de tes passions quand même, ça. On a écouté Skillet tout à l'heure et ça, c'est un de tes groupes préférés. Ouais, en fait, je suis un peu... Je suis un mélomane. Je peux pas passer une journée sans écouter de musique. C'est impossible. La musique, elle fait partie de ma vie. Mm-hmm. En fait, et c'est vraiment... Ben voilà, ça me permet de m'évader, de me vider l'esprit. Donc voilà, la musique, ça fait... Elle fait vraiment partie de ma vie. Vraiment. Donc ce serait sur la musique. Oui. Mais écoute, bienvenue. Pardon ? Bienvenue à toi qui nous présentera bientôt une émission sur la musique. Allez. Merci beaucoup Chris pour toutes ces petites confidences qui nous aident à mieux te cerner, comprendre qui tu es. Moi je trouve que c'est important pour nos auditeurs et ceux qui ont envie de te lire, de savoir... Moi je trouve que c'est bien de rencontrer, tu vois, de connaître qui de l'intérieur est l'auteur que tu vas lire. Je peux modifier une de mes réponses ? Allez. Le super pouvoir, non pas l'invisibilité, parler aux animaux. Ok. Parce que je suis un grand défenseur de la cause animale. Ouais. Je suis personnellement donateur dans différentes associations, dans la SPA et 30 millions d'amis. Et vraiment, les animaux, j'adore ça. Quelqu'un qui maltraite un animal, s'il le fait devant moi, je ne suis pas sûr qu'il finisse indemne. D'accord. Non, mais vraiment, pas de violence, on est pour la paix. Oui, mais bon, les animaux, c'est, voilà, c'est sacré, quoi. Tout à fait. Voilà. Il faut pouvoir prendre conscience aux gens des choses. Tu nous le disais tout à l'heure, donc tu es en pleine écriture de ton troisième ouvrage, qui sera cette fois-ci un roman. Toujours en auto-édition. Là, j'ai essayé de contacter une maison d'édition qui a déjà édité justement Guillaume Musso. Ouais. Que j'avais déjà contacté pour 8 histoires sans fil rouge. Ils m'ont répondu, mais ils m'ont dit qu'ils faisaient pas, qu'ils éditaient pas de nouvelles. Ok. Donc là, j'essaierai de leur contacter. Voilà, je peux même faire une petite confidence. Je peux dire le titre du roman. Allez, déjà. Vas-y, j'adore les exclusivités. Ça sera des rencontres et des retrouvailles. Ouais. Et puis là, dans l'histoire. J'avais pris la décision de réunir certains des personnages des deux premiers ouvrages. Waouh ! Qui vont vivre une expérience commune. Avant, ils ne se connaissaient pas du tout. Ils ne se connaissent pas du tout auparavant. Et puis, ils se sont rencontrés parce qu'ils ont gagné un concours pour un voyage. Et c'est eux qui vont se réunir pour une seule et même aventure. Waouh ! C'est génial, ça ! Oui, c'est un truc que j'ai bien aimé, enfin, que j'avais pour objectif de réaliser, donc voilà, je me suis lancée. Waouh, super, super bonne idée en tout cas. Tu as un site internet, si jamais on veut se procurer, trouver tes ouvrages, ça se passe par là. Ok. Donc c'est christopherdurand.fr, donc tout attaché, donc Christopher, comme Christophe, ma carrière, et Durand, D-U-R-A-N-D.fr, ou même si vous voulez m'envoyer un message, ou voilà. Oui, si vous voulez me contacter, commander mes livres, ou même m'envoyer un petit message. Moi, je suis ouvert. D'ailleurs, mon site internet qui a été fait par mon grand frère, aussi web designer. Ouais. Donc voilà, je suis ouvert. Super. Voilà. On ne manquera pas de mettre le lien de ton site internet avec le podcast de cette émission sur nos pages Facebook. Avec plaisir. Et puis, vous pourrez même mettre le lien de ma page Facebook, justement, parce que j'ai une page Facebook aussi. D'accord. Qui s'appelle La littérature par Christopher Durand. Ouais. Voilà, on pourra mettre le lien pour... si ils peuvent me contacter là-bas aussi. Tu es présent sur d'autres réseaux ? Ouais, j'essaye de... On peut les citer, les noms. Oui, bien sûr. J'essaye de professionnaliser Twitter. Mm-hmm. J'essaye de professionnaliser petit à petit Facebook. Oui. Sinon, à côté, d'un point de vue plus privé, je suis sur Instagram, tout ça, mais ça, c'est... Privé. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas... Vous verrez rien du tout par rapport à l'écriture. Sur, là-dessus, c'est vraiment moi qui follow les gens que j'aime bien. Ok. Donc, voilà. on va se focaliser sur tes réseaux pro. Ça marche. Ça marche. Ouais. On te retrouve bientôt, du coup, sur les ondes de Radio Guémozo. Lundi, pour une nouvelle partie de la Christoire de la littérature qui sera là sur la deuxième partie ou troisième partie du livre-jeu. Ouais, c'est génial ça, le livre-jeu. Ah oui, j'adore. Le livre, ou aussi appelé le livre dont vous êtes le héros, c'est vraiment aussi un type de lecture que j'aime beaucoup. Donc voilà, lundi, sinon je vais essayer de revenir doucement et... Mais sûrement pour mes autres émissions, pour mon autre émission, du coup, sur les auteurs. Mm-hmm. Et pourquoi pas sur la musique, on verra bien. Ouais. Est-ce que tu as déjà Du monde dans le tuyau, comme on dit. pour l'auteur. Un invité prochain. À la rencontre d'auteur. Oui. Ouais, ça sera sûrement de nouveau Eva de Kerlan. Ouais. Que j'avais reçu pour Is It Love Ryan et Is It Love Matt. De la New Romance. C'est ça. Sauf que là, ça sera pour Love Me Lou et pour Another Me. Qui... Ou alors aussi Thierry Brenner, qui travaille, oui. Qui vient ici aussi souvent, il me semble. Non qui coopère avec, qui collabore, pardon, avec Gilou pour Les Années Bonheur, qui c'est reviendra ça. D'ailleurs très prochainement. Que je devrais recevoir prochainement, j'ai pas de date encore, honnêtement. Okay. Mais prochainement pour son roman autobiographique Au bout. Super. Et voilà, c'est pour l'actualité, pour l'instant, c'est tout. Mais c'est déjà très bien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Respectez-vous les uns les autres. Mmh. Aimez-vous, la violence n'apporte rien, et soyez là les uns pour les autres, quoi, tout simplement. Ben voilà, c'est beau. Et lisez des livres. Lisez des livres. Voilà. Mais c'est vrai qu'on devrait... Je trouve que ça se perd un petit peu, la lecture. Ben, surtout que maintenant, il y a toujours de la lecture, mais c'est surtout de la lecture sur Internet. Oui. La lecture digitale. Mmh. Et ça, même s'il y a mon premier ouvrage en e-book, le deuxième, il n'y est toujours pas, parce que je suis un peu là aussi de la vieille école, comme pour les musiques, les lectures, j'aime pas ça. Enfin, je suis pas fan du digital, je préfère le format physique, oui. Palpable. Mm. Donc voilà. Mais, c'est précieux un livre. Bah, c'est ça, et puis le papier, il a encore de beaux jours devant lui, mais si ça continue comme ça, on en aura plus. Hein. Donc il est en e-book ton premier ouvrage? Oui, ah, qu'on ouais. peut trouver sur un site internet, qui commence par AMA et qui termine par Zone. mais aussi, on peut aussi le trouver en format broché, en format ouais. Relié. Okay. Et pour l'instant, histoire de mon esprit, mais 8 histoires sans fil rouge, il n'est pas encore sur le site internet, mais on peut le commander directement auprès de moi, ma boîte mail, on dit j'aimerais un exemplaire de tel ouvrage ou tel ouvrage. Mm-hmm. Puis moi, je fais le nécessaire de mon côté. Et j'ai aussi une adresse mail pro. Vas-y. Donc c'est christopher.durand.auteur@gmail.com. Ok. Donc là, si vous souhaitez me contacter pour commander un de mes livres, voire les deux. Ou juste pour discuter, peut-être. Oui, ou juste pour discuter, bah, moi, je suis ouvert. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion. Si vous avez des... J'aurais pas la prétention de dire que je suis professionnel, mais si vous avez des... Vous voulez commencer l'écriture, mais que vous savez pas trop comment faire, bah, envoyez-moi un message, je vous aiderai du mieux que je peux. Ouais, c'est chouette, ça. Mm-hmm. C'est chouette. Parce que, ouais, c'est ce que j'aurais bien aimé qu'on fasse quand j'ai commencé, quoi. Mm. Donc, bon. Ok. Voilà. Bah merci beaucoup, Chris, d'être passé par là pour nous parler de 8 histoires sans fil rouge. Ouais, merci à vous. C'était pas mal. C'était très bien. Est-ce que tu es content? Oui, je suis content. Ça va. Je suis content. Merci beaucoup à Gabriel aussi, notre stagiaire mm-hmm. de la semaine, bien pour ces questions très pertinentes. Mm-hmm. En tout cas, moi, très intéressantes. Ouais. On se retrouve très bientôt dans la bulle. Vous n'hésitez pas à vous brancher les lundis à 8h et 13h30 pour retrouver les chroniques de Chris. Nos programmes sur Radio Gemozo continuent. En attendant, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais c'est comme tous les jours. Hein. Bonheur, joie et rire à tous.